se déchirait tous les soirs. Elle est pas enceinte, c'est juste ta gueule de bois. Ma chérie préfère l'alcool que moi. Elle a les yeux qui portent en couille, elle répète la même merde en boucle, elle se met à pleurer, elle m'embrouille et oublie. S'endort dans le salon, dans la bouffe, une clope allumée dans la bouche, peut mourir. Bébé boit beaucoup, bébé fait que teaser. Après 22 heures, je peux plus rien en tirer. J'ai pas si elle s'amuse ou elle est déprimée. Bébé boit, bébé boit, bébé tiste, bébé boit, bébé boit, bébé tiste, bébé boit. Le soir, mais bon, je suis pas là de la journée. Je stresse quand je rentre, je sais pas comment je vais la retrouver. Du coup, je suis relou, je compte les verres qu'elle boit. Parce que je sais qu'une fois qu'elle démarre, je la ramènerai pas. Elle va niquer la soirée, s'écouter parler, me reprocher des trucs dont elle va même plus se rappeler. J'entends les bouteilles la nuit, elle tombe dans l'escalier. Je lui dis qu'elle boit trop, elle me dit que je bois plus assez. Elle a les yeux qui portent en couille, elle répète la même merde en boucle, elle se met à pleurer, elle m'embrouille et oublie. S'endort dans le salon, dans la bouffe, une clope allumée dans la bouche, peut mourir.